berat. MC hoi yang pundra, pundra maru. MC tak pacu lagi hono, wawe suat tiam sumo. Balanya anjung in the building. J'fais monter les pixels, MC n'aie pas peur, viens lécher mes sneakers. Mon flow est d'or, j'fais péter les speakers. Andrew in the building, IMB business. IMB business, IMB in the business. IMB business, IMB in the business. IMB in the business, Andrew in the building. IMB in the business, Andrew in the building. Mamnya hima malam darenge mikrofon. Mamnya hima malam darenge mikrofon. Rapet mari tiye bal tiye mahe bale kam eh. Nako huli tiye kari hale. Mazagal ha gombe gombe chow chow aminale. Slim my MC pakat niya mimba mimba. Rosie. Slim my MC pakat niya mimba mimba. Slim my MC pakat skuraman skuraman. Slim my MC pakat skuraman skuraman. Tware me flow pakat tware heja zuman zuman. Chansam yine kara peri prefera hati mudzonye mikyaman. Mikyaman. Tware me flow pakat tware heja zuman. Tware me flow pakat tware heja zuman. Tware heja zuman zuman. Tware me flow pakat tware heja zuman zuman. Tware me flow pakat tware heja zuman zuman. Bengi Bentley ou bengi Bekan. Bekan. J't'envoie des pics, j'te les mets à la lucarne. Wamit ben de PG, wamit si de Beckham. Yo Zlatan punchline. Yeah. Rapash mori kena baba kena mama. Yeah. Rapash mori tia bola tia ma. Yeah. I am in the building, Hunter in the building. I'm back in the hood, je retourne dans le ghetto. Je m'a pas de gâteau, fallait pas m'enterrer plutôt, plutôt. Le rap maori a besoin de moi. Dis-moi qu'est-ce qui ferait sans moi. IMB business. Si je suis là où je suis, c'est ce que je mets dans les moyens d'y arriver. D'y arriver. Tu peux tout essayer, tu ne m'atteindras jamais. Jamais, never. Barre voir ton marabout, mon bouclier est trop puissant.